Le reverb. De cette pièce. Ouais. C'est un studio, c'est un studio. T'es-tu en train d'enregistrer encore? Ben oui. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Dominique Hamel, musicien d'improvisation, le MacGyver de la musique, qui est capable de tout arranger en une fraction de seconde. Entre les albums, j'ai tout le temps fait ça, tu sais, avoir plus de musique de théâtre, après ça, plus les spectacles de chansons, puis revenir d'un à l'autre. Ça crée un cycle qui est utile et propice à même l'inspiration que l'un amène vers l'autre, surtout. Je t'ai vu en soundcheck hier, là. Je te vois clairement travailler des riffs et des affaires pour des projets futurs pendant que tu oui, ben oui, j'en profite quand je suis dans des salles pour tester ouais. des tunes, genre des riffs pour voir si ils sonnent bien avec toutes les gears au complet. Parce que dans mon studio aussi, c'est quand même pratique parce que je peux le faire, mais avec juste un petit peu plus de volume, ça me permet de voir si ça fait feedback! Feedback! Voilà. Mais... Désolé. On salue les gens à la maison. Mais non, c'est ça. Moi, écoute, je le sais, moi, pourquoi j'aime ça t'avoir dans un spectacle. Tu sais, ben toi, d'autres musiciens, là, je veux dire, la musique en général. Mais là, ça passe par toi parce qu'on se connaît bien et on travaille beaucoup ensemble. Mais toi, qu'est-ce que t'aimes d'avoir des comédiens sur ta musique? Ben, ce que j'aime bien, c'est pas tant les comédies que les contextes, on dirait, tu sais. C'est le fun parce que là, j'ai l'occasion de faire des contextes différents avec beaucoup de ligues là, ces temps-ci, surtout depuis qu'on est revenu d'Europe. Là, j'en fais entre 3 puis 5 par semaine. T'es malade! C'est quand même spaced out, mais ça donne de même. Là. Ça va relaxer avec le temps des fêtes, étrangement. Mais qu'est-ce que ça... C'est tout le temps le fun de tester différentes choses dans différents contextes parce que ça permet d'essayer d'autres affaires. Mais mais en fait, je pense que ce que je veux savoir, moi, c'est plutôt qu'est-ce que tu penses que t'apportes, toi, en tant que musicien, un show? Parce que, tu sais, on le voit dans les films, on le voit au cinéma, au théâtre, tu sais, dans les émissions, le scoring qu'on appelle. Ouais. Mais sauf que là, tu sais, c'est... Quand toi ou un autre musicien improvisait de la musique, pendant qu'on improvise, c'est autre chose, tu sais. C'est un travail commun, c'est comme la personne aux éclairages aussi. C'est toute une affaire qu'il faut être en symbiose. Puis moi, je sais que c'est une très longue question. Non, mais des fois, je vois des musiciens aller, puis je fais « non, souligne pas ». T'sais, complète. C'est souvent ça que je vais dire à des musiciens qui commencent, parce qu'ils ont tendance à faire comme « oh, c'est comique! » Ils vont comment faire de la musique comique. Ou encore plus, faire des bruits que de l'accompagnement, que de... Même pas de l'accompagnement, du complètement. Du complètement. Ouais. Ouais, moi j'évite tout ce qui est anecdotique. J'essaie même d'éviter les connotations le plus possible. Ouais. Mes techniques sont vraiment un mélange entre la musique de film, que j'ai étudié quand même pas mal, puis la musique de théâtre, que j'ai étudié quand même pas mal aussi. Où ce que t'en as un qui va être en film, qui va être vraiment plus subtil, puis s'effacer. Mm-hmm. Alors qu'en musique de théâtre, là, que tu prennes des affaires comme du kabuti, kombucha. C'est ça, kombucha. Puis du théâtre no, puis Kabuki? Kabuki, oui. Tu sais, où ce que c'est très ponctué, ouais. Percussion, dans ta face, c'est ouais. Semi-dance, anyway, ce qu'ils font par-dessus, puis leur façon de parler, il n'y a pas beaucoup de consonnes, anyway, ça va être plus des chants, fait que tu peux mettre full consonne percussive par-dessus, puis c'est all good, mais j'essaie de mélanger comme cette façon-là de ponctuer ce qui se passe versus soutenir très doucement, ouais. Ou parfois les deux en même temps, ça c'est le fun. Ça c'est... Ouais, c'est pour ça que j'ai tout le temps plein d'instruments pour pouvoir faire plusieurs techniques. Mais moi, tu sais, j'étais déjà poussé à le faire à un instrument. Oui, pis... à chaque fois, on s'est bien amusé d'ailleurs. Ça se fait aussi, tu sais. C'est beaucoup dans la sensibilité, mais tu m'avais déjà parlé d'une fois les respirations des comédiens. Ouais, ça, c'est un de mes meilleurs trucs. Parce que moi, j'aime ça, la musique de théâtre, quand c'est fucking fort. Moi, j'arrive du rock, là, tu sais, je veux que ça garoche, qu'il y a le Chris, là. Ce n'est pas une entrevue, c'est une discussion. J'aime ça quand ça garoche, qu'il y a le Chris, puis qu'on est comme vraiment... Tu sais, moi, je suis un gars de rock, là, fait que je veux que on aille en même temps le feeling d'être... On est venu voir un show, ça se passe. C'est pas vrai qu'on va tous faire ça comme si on était dans un... Je sais pas, un petit théâtre pour enfants, tu sais. Je veux que ça soit un peu de spray, tu sais, pour qu'il y ait beaucoup de nuances. Fait que j'ai aimé... Mais même dans le théâtre pour enfants, on pourrait s'en permettre, là, tu sais. Ouais, avec un peu moins de bass. Mais, tu sais, j'aime ça, donc, que ça soit... Tandis que je plug tous mes instruments, puis que je fais un sound check, j'aime ça quand c'est fort. Ouais. Fait que, avec le temps, j'ai réussi à trouver des façons que la musique soit forte, puis que les comédiens peuvent quand même chuchoter par-dessus en faisant beaucoup de, comme tu dis, en checkant les respirations. Ça, c'est un de mes meilleurs trucs que j'ai trouvé, tu sais, où ce que des fois, je ne vais pas nécessairement écouter exactement le contenu de qu'est-ce qui se passe. Parce que je suis occupé, je travaille, là, je ne suis pas venu voir le show tant que ça, là. Je travaille! C'est vrai. Donc là, je suis comme en plus en train d'analyser la lecture du corps, vraiment, pour voir le tempo du corps, comment ça se passe avec les battements de cœur, presque, puis à travers la respiration, puis dans le contenu, ben un poumon qui se dégonfle, ça reste un peu à peu près le même nombre de syllabes. Ouais. Je pourrais les compter, tu sais. OK. Donc, après une vingtaine de syllabes, d'habitude, il faut faire un refill, puis là, PAC! Je punch un accord. Puis la phrase continue, de façon parfois très subtile, mais de façon... Autrement. Attends, fais ça, prends ta guide. Ben oui. Je sais pas si ça va marcher, mais mettons que je fais. Mon père revient de la campagne et je suis content de le revoir. Ok, ben là, c'est moi qui le sais, là, fait que ça marche pas. On dirait que j'essaie de t'aider. Ah oui, oui, oui, c'est ça. Je fais juste checker tes poumons, puis quand t'as fini de vider ton truc, bring. Je punch quelque chose. Si j'ai un instrument dont l'attaque est un peu incisive comme une guitare, tu sais. Mais sinon, si tu prends des strings, là, c'est facile, là, avec des sons de strings qui font tout... Tu peux tout foutre ça dans le fond, puis en musique de film, des fois, je trouve ça surutilisé parce que c'est vraiment facile. Ouais. Tu peux parler à n'importe quel volume, après ça, par-dessus, quand t'as des instruments qui n'ont pas des percussivités. Le plus tough à utiliser, c'est vraiment des percussions, justement, parce qu'il faudrait que le monde ne soit pas en train de parler. Chose que je fais pas mal plus dans notre show qui s'appelle Zito! Ouais. Parce que là, il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de consonnes. Puis accompagné du français, c'est vraiment touché aussi, tu sais. Faut comme pas avoir beaucoup de sibilance dans les instruments, parce que c'est une langue qui est très sibilante, le français, contrairement à l'anglais. Sibilante? Sibilante. C'est dans le coin des chuchotements. C'est beaucoup dans ce registre. Ça se passe beaucoup entre 2 kHz puis 4 kHz. Ouais, c'est ça, tu vois. J'écoute les fréquences tout le temps. Là. T'es un peu, tu sais, comme musicien, t'es un peu comme un... J'allais dire... comme un chien. Non, dans le sens... non, mais dans le sens... Le tu sais, le chien peut percevoir des choses avec l'odeur. On dirait que tu perçois des choses que l'être humain normal ne perçoit pas, tu sais. Clairement. Puis... Comme actuellement, je vois derrière ta tête quand je te regarde dans les yeux. Non, j'écoute en 3D, disons. Ouais. Tu sais, je m'amuse beaucoup à voir un peu, mettons que le comédien, tu sais, parle-moi un peu, là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? je vais parler de tu es à peu près dans ce registre-là. Si tu veux que je dise. Ok. Fait que tu étais dans ces notes-là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je parlerais plutôt. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je suis plus grave que toi. Ouais. Fait que tu sais, j'écoute ces affaires-là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu sais, tu vas être plus là. Fait que puis une fille va être plus aiguë. Fait que tu sais, si mettons, je suis en train de tenir une patente qui fait ça, ben là, je suis au-dessus de ta voix pendant que tu parles. Puis là, c'est après ça. je m'en vais gonfler avec autre chose en dessous, mais c'est sûr que on va continuer à entendre ce qu'on dit parce que je joue pas dans les mêmes notes que ce qui est joué, tu sais. Mais on va arrêter de donner tous tes trucs, là, je veux dire. Puis je vais me faire voler tous mes jobs. Ben non! Ça prend la sensibilité, ouais, Dominique. C'est ça. Mais non, mais il y en a quand même. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec toi, on se connaît depuis longtemps, on a confiance, on se comprend bien. Mais on a quand même croisé beaucoup de musiciens qui apportent quelque chose de beau à l'improvisation. Mais ça s'improvise pas. Être musicien d'improvisation, ça s'apprend, ça se... Mais ben, ça se travaille comme improviser, comme le jeu d'acteur. Ça fait un peu presque 20 ans que je fais ça, tu sais. Au cégep, déjà, j'avais commencé à faire ben des soirées de poésie où ce qu'on accompagnait. Ouais. Puis là, déjà, je me questionnais là-dessus. Mais là, j'ai pas envie que ça soit à bas volume, la musique. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas bien les voix. J'étais là, Caroline, comment on pourrait faire pour que ça soit loud tout le temps? Puncher dans les respirations... dégager entre deux cas puis quatre cas, comme trouver une façon que la personne elle entend bien ce que je suis en train de faire pour que si je monte en volume, elle monte aussi. C'est pour ça qu'on fait toujours des longs soundchecks avec des moniteurs sur scène pour que les comédiens, si j'embarque, que je monte un peu, ben on suit tout ensemble. Ouais, ouais. Fait que là, ma musique n'est pas trop forte. Au contraire, si je suis plus fort, ils vont parler plus fort. Puis ça marche bien. Hier encore, on a fait des petites envolées de feu. C'était cool. Puis il me semble être dans la salle, puis que tout d'un coup, c'est super loud. Ça réveille, puis ça réveille tout le monde. Puis tant que c'est en fait en harmonie, puis que c'est pertinent, puis le fun, je trouve que c'est tout le temps efficace si ça se passe, tu sais. Tu sais, dans la recherche constante de ça, trouver des places où on n'est pas allé encore, où est-ce que tu... La musique, là, dans le spectacle d'improvisation théâtrale, où est-ce qu'elle va pas souvent et qu'elle devrait aller plus souvent? Où est jamais allée encore? Tu sais-tu, toi, par où tu cherches? Ben, j'aime beaucoup quand je réussis à faire que les comédiens réduisent le nombre de mots pour une plus grande efficacité. Fait que tu joues très fort. Ouais, non, mais dans le sens où, je sais pas, j'aime les haïkus dans la vie. Quand je compose des chansons, j'aime ça quand il y a vraiment pas beaucoup de mots. Ouais, l'efficacité. Je suis pas un gars qui parle beaucoup dans la vie, d'ailleurs. C'est drôle d'entendre ma voix, parce que d'habitude, personne n'entend ma voix à l'impro. C'est bon. Mais tu sais, moi, même chose quand je donne des formations. Oui. J'essaie de travailler sur... Exact. On veut pas le savoir, on veut le voir. Tu sais, évoque plutôt que de dire. Exact. Moi, toute cette philosophie-là, c'est pour ça que j'adore ça, faire des choses avec tous tes concepts, Frédéric, parce que sont tout le temps... Voilà, c'est pour ça que je venais t'enregistrer. Merci. Salut. Salut, frère. Ben non! On fait parler Frédéric. Ce que je voulais dire vraiment à propos de Frédéric, c'est que c'est pas tout le temps cool ces concepts. Hey, c'est moi qui les rends cool! Parce que je suis toujours là! Bon. Pour vrai, donc, j'aime ça parce que... Tu reviens de même, toi. OK, vas-y. J'aime ça parce que tu réussis, puis j'ai vu tes ateliers. Puis c'est exactement ce que je préfère en impro. C'est quand on est capable, avec peu ou pas de mots, d'évoquer beaucoup de choses. Fait que comme ça, moi, mon travail... Il devient bien plus pertinent puis bien plus présent, surtout avec le show comme Zito. Mais même hier, rappelons-nous un très bel épisode, puis j'avais envie de le dire avant le show, que c'était un rêve que j'avais. Je sais pas, j'ai regardé un film cette semaine, puis il y avait comme une histoire qui se passait de quelqu'un qui venait d'apprendre une immense nouvelle, quelque chose de très rude, puis c'était une longue... La personne partait... en forêt, puis marchait en ligne droite. Puis c'était juste dans son regard qu'on voyait sa façon d'encaisser cette nouvelle-là, avec une musique qui était super minimale. Là, c'était pas une envolée, tu sais. C'était un truc genre électro, avec juste un truc qui faisait... Puis c'était très tendu. Ouais, des fois, la musique va juste aider le comédien à transmettre son émotion aussi. Ouais, puis tu sais, dans le film, ça a duré presque 2 minutes, là, où ce qui... Le personnage faisait juste marcher en ligne droite, puis était filmé de face, puis qu'on voyait comment il était en train de réagir, puis d'encaisser cette nouvelle-là. Puis j'avais envie de suggérer aux comédiens parce que j'adore ça, voir ça. Ça permet aux improvisateurs, vu qu'on fait de la création spontanée, de penser bien, puis de bien choisir les mots qui s'en viennent, puis les meilleurs, qui sont souvent d'ailleurs autour de toi, Frédéric, bravo pour ça. Arrête! Non, c'est vrai. Comme je les adore, là. Qui sont capables de, d'avoir cette sensibilité-là, de bien choisir les mots, puis de, au lieu de juste partir à parler. Je pense pas que c'est bien choisir les mots, Dominique, c'est bien faire confiance à son instinct. Parce que quand on s'arrête à choisir les mots, on les trouve pas. Puis, tu sais, quand toi, tu fais de musique, quand ton partenaire de jeu t'a poussé, par exemple, juste pour trouver quelque chose, ben tu réagis par rapport à la musique et le coup de ton partenaire de jeu, ben t'es rendu où tu veux être, puis ta réplique sort tout seul. Donc, c'est pour ça qu'elle est juste, tu sais. Oui, exact. Puis c'est ça que je trouve qu'on réussit à faire beaucoup avec les shows de l'instable. Puis à chaque fois, ça marche bien. Puis moi, je retrouve un bonheur extraordinaire à patauger là-dedans parce que c'est le fun à regarder puis c'est le fun à entendre. Les voix sont plus posées. Fait qu'il y a comme quelque chose de... J'ai l'oreille vraiment sensible. Moi, si j'aime ça fort, c'est pas parce que j'entends pas bien. C'est au contraire parce que j'ai l'oreille tellement sensible que j'ai besoin que les fréquences soient toutes là, tu sais. Mais je ne te l'ai pas dit, Dominique, mais on a un mécène qui nous a donné vraiment beaucoup d'argent pour qu'on fasse des spectacles. Puis il a dit, mais on aimerait ça que ça soit des idées de Dominique Hamel, le petit musicien là, qui joue, qui ensevelit dans ses instruments dans le coin. Puis on aimerait ça que ça se pousse plus loin en musique. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Il y aurait des micros partout. OK. Ouais. Non, il n'y a pas, il y aurait... On va le faire, Dominique! Ah, c'est déjà signé! All right! Ouais. Des micros partout? Des micros partout. Pour les comédiens? Pour quoi? Je sais pas. C'est une façon que... Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas... Je sais pas. Ça va pas juste faire... Je sais pas. J'imaginais ça. Des micros partout. Dans le sens où il y a tout le temps un sound man qui peut faire en sorte que on entende tout, mais en même temps, non? Tu sais, on a joué à Ottawa vendredi passé, puis je suis arrivé sur place, j'ai vraiment failli faire une crise de panique. Le public était déjà assis. Ouais. J'ai osé dire, ah, je pense qu'on va canceller tout ça à l'organisateur sur place. Puis j'ai dit, à moins que tu me donnes 10 minutes, ce qui est quand même un temps ridiculement court, mais le public était déjà assis, puis il attendait notre show qui commence. J'ai fait show capable de faire une installation et soundcheck en 10 minutes, puis qu'on start le show dans 10 minutes. Peux-tu dire ça au micro de bord? Puis il a accepté, puis on l'a fait, puis c'était malade le show. Puis en plus, le son, il n'y avait pas de kit de son vraiment, c'était comme juste le kit de son du bar. Fait que le kit de son était autour du public et autour de moi et autour des comédiens. Il n'y avait pas de séparation, on n'était même pas sur un stage. Puis autant que ça m'a effrayé, ça m'a complètement charmé par après de faire « Hey, on est tous dans le même endroit, dans le même son. » Ouais. Fait que c'est sûr que jamais ma musique elle a été trop forte, puis je me suis au contraire régalé à la crisser fucking fort. Parce que... Ton langage. Mon langage. Ce n'est pas une entrevue, c'est une discussion. Y a-t-il des enfants qui écoutent ça? Ben non. OK. Fait que j'ai... On salue les enfants. J'ai tout foutu crissement fort. Puis... Tabarnak! C'est privé, c'est privé. On est chez nous. Puis, je me suis amusé à ce que les comédiens... Si je suis fort, c'est fort, puis ça va falloir que tu parles par-dessus. De la même façon que les comédiens, eux-mêmes, entre eux autres, si je me mets à parler fort, puis que tu décides de pas parler fort, c'est un choix artistique. Puis on build là-dessus. Quand t'as fait l'espèce de chauffeur de taxi en moto... Puis tu m'as rappelle-moi pas ça, tu m'as juste crié, fais-moi un gros riff de rock! Puis qu'on l'a garoché dans le fond. Là. Ça a créé tout un moment. Essaye pas de parler par-dessus ça, là, frère. Puis tu savais. Mais non, Puis c'était physique. Puis t'étais mais tu sais, si tu l'avais fait d'où, j'aurais peut-être considéré parler. Ouais. Mais là, j'ai choisi que tu parlerais pas. Puis j'ai pas repensé là, j'ai fait comme t'as fait un lazo. Ouais, c'est ça. Avec la moto, c'était malade. T'as l'air d'un gars dans le mais pourquoi tu voudrais des micros partout d'abord? Si c'est pour une salle plus grande. Ouais. Puis ça te prendrait un soundman de la mort. Ouais. Parce que des fois je trouve même au Lion d'Or, c'est ça qui manquait, où c'est que on en avait des micros mais il y en avait pas assez. pour que ça puisse marcher, ça. Mais en tout cas, sinon, jouer tout le temps devant des salles intimes. Mais musicalement, là, où tu veux aller? Tu sais, qu'est-ce qui... Ben, moi, je... Genre, mon trip, c'est... grunge, le show? Ben, un truc qui m'amuse beaucoup, je dois t'avouer, c'est... Tu sais, je continue à développer ça, puis j'aime beaucoup ça, jouer tout seul, parce que les budgets ne nous le permettent pas tout le temps. C'est sûr que ça serait le fun d'avoir un band complet, mais en même temps, qu'il soit dans ma tête. T'sais. Ouais, ça, faut apprendre à jouer avec les autres. Je sais. Non, mais là, t'as appris beaucoup à jouer avec les comédiens. Puis t'as quand même un bon passé avec Ben Rochelot et plein d'autres musiciens. Ouais, où est-ce qu'on était en symbiose, mais ça a pris des années. Mais oui, ça prend. C'est parce qu'on travaillait ensemble beaucoup, mais... En plus, juste avant, tu sais. Parce que, moi, ce que... Mais là, mardi prochain, tu vas travailler avec Catherine. Avec Catherine, ça va être malade. On va pratiquer avant un petit peu, j'espère. Oui, mais c'est ça, il faut être... Mais je pense que Catherine a cette ouverture-là de faire comme... Je suis-tu à bonne... Tu sais, tant qu'à pas savoir quoi faire, je vais me taire. Ouais. Et au contraire, je sens que j'ai le lead, go. Mais ce que je veux dire par là, en fait, Fred, c'est que ce que j'ai découvert avec le temps à travailler tout seul, surtout dans les deux dernières années avec les shows de l'Instable, c'est qu'il y a une de mes techniques les plus importantes puis qu'on oublie trop souvent en musique d'impro, je trouve, c'est cue in, cue out. Ouais. J'en parle souvent. À chaque fois que je vais voir des shows, je le répète à du monde quand je vais les voir parce que je fais aussi la musique pour la Sprite, la CIA, la limonade, plein d'affaires comme ça. Tu peux nommer toutes les ligues de Montréal. Là, Il y en a une couple que je n'ai pas faite. J'ai jamais vu les cravates. C'est tout bon, ça? Eh bien, ça fait longtemps que je parlais. Anyway. Moi, je n'ai prôné que pour la lime pendant les 6 ans que j'ai fait le tour dimanche la lime. J'avais jamais vu. T'étais un petit peu vendu. Je suis full vendu. Ouais. Moi, là, je suis full instable. Fait que, tu sais. Mais ça m'amuse de tester des affaires avec les petits jeunes ces temps-ci. C'est vraiment cool encore. Là, lundi, au Café Campus, là, on a vraiment pété la coche. Puis ils aiment tout le temps ça jouer avec moi parce que je leur amène cette espèce d'expérience-là. Puis ça les ground. Parce que. Des fois, ils pourraient partir dans de l'anecdotique, puis je leur arrive avec une musique qui est tellement sentie, puis que je feel pour vrai, puis que je fais tout le temps ça avec mon cœur, avec une très grande sincérité, tu sais. Fait que des fois, ça les casse, là, puis ils font « Oh my God, je pensais pas m'en aller J'ai pas le droit de faire des commentaires, là. Là. C'est sûr. Là, je peux pas faire comme « Hey! » Ben non, tu sais, j'essaie tout le temps dans ma tête de faire la musique... du meilleur bout du meilleur film. J'essaie tout le temps d'être dans... Du meilleur réal, c'est ça, ouais. Du meilleur... De la meilleure année de production. Ouais. Parce que j'essaie tout le temps de voir comme Oscar-winning scene, là. C'est ça, tout le temps dans ma tête. Puis j'essaie tout le temps d'amener les comédiens vers ça, puis de le faire avec sincérité, mais c'est ce qui fait qu'à chaque fois, ça colmate. Mm. Puis j'en suis bien heureux. Or donc... C'est ça, j'essaie de tout plein d'affaires comme ça dans ces ligues-là. Puis je leur dis souvent aux musiciens qui commencent un peu plus, oubliez pas vos cue-in, cue-out. C'est le plus important parce que c'est les informations que tu es en train de donner aux gens avec qui tu travailles, les comédiens. C'est-à-dire, hey, là, il y a la musique, puis là, elle arrête, puis créer des punches, comme par exemple. Par exemple, Si on est en train de parler, mais que... Je suis pas inspiré parce parle que je suis pas en théâtralité en ce moment. Mais tu sais, mettons que... Pourtant, on étudiait en théâtre ensemble, hein, Dominique. Je sais. Mettons qu'il y a juste une pulsation qui se promène comme ça, puis que quelqu'un est là, puis si je demande... Hey, dis-moi... Si quelqu'un demande, dis-moi, chérie, pourquoi t'es revenu tard hier soir? Puis là, la personne répond... Parce que... Je sais pas. J'avais le goût de sortir. Oh my God, il y a une belle tension, super. Mais si je fais, hey chérie, pourquoi t'es rentré tard hier soir? Ben, je sais pas. J'avais le goût de sortir. Ta réponse, elle vient de tomber vraiment plus importante que si j'avais pas arrêté de jouer. Non, c'est clair. C'est un peu obvious comme truc comme ça. Mais... Question-réponse, je vais souvent créer un highlight. Mais c'est ça que j'ai remarqué chez toi. Après ça, dans toutes les subtilités de « Ah, un peu plus, puis un peu moins, puis disparaître un peu, mais rester là. » Ou comme créer juste des build-up, de juste monter la question que, ouais. Est-ce qu'elle devient plus importante si on crée, ouais, d'autres vacuums comme ça? C'est ça, Q-in. Arrête de jouer, là, c'est trop intense. Cue in, cue out. Mais c'est ça, je disais, ça fait plusieurs années déjà, là, tu sais, Dominique, je disais, il y a quelque chose, puis je disais ça de Benoît aussi, c'est que sans même écouter le propos, comme tu disais plus tard, là, tu sais pas nécessairement de quoi on parle tout le temps, parce que... Je suis occupé, je travaille! Exactement. Pas le temps d'écouter vos histoires, là. Mais... c'est un non-sens absolu, mais si t'étais dans ma tête, tu comprendrais. Vous m'enverrez le verbatim. C'est vraiment bizarre, des fois, je me sens... tellement mal, là, puis j'aime mais ça, non, mais... après le show, on discutait, « Hey, oui, cet impro-là qui avait telle affaire, puis oh, ça te revient. » Je le ah, oui, ah, c'était ça. Mais je sais que t'sais. Même si des fois, t'en perds des bouts parce que, justement, tu travailles, t'es occupé, t'as une lecture de sensorielle, tu sais, qui fait que tu sais la tension, des fois, tu sens les chutes, tu sens les affaires, comme parce que tu fais confiance à cette affaire-là, puis on le fait, nous autres, naturellement, sur le jeu, des fois, tu sais, tu vois quelqu'un rentrer avec une énergie, tu fais comme, ben, je vais me calmer. Ben oui. Tu sais, on le fait naturellement, puis c'est ça que j'apprécie beaucoup, toi, de je t'écoute pas, mais parce que je suis en train de t'écouter à un autre niveau. Oui, oui. Ouais. Puis ce niveau-là, c'est moi qui s'en occupe de toute façon. Ouais. Je vous fais confiance sur le contenu. Moi, je fais jamais de bruitage. Je fais jamais de trucs qui sont intradiégétiques. Ouais. Je suis toujours extradiégétique, sauf quand il y a quelqu'un comme Joël hier qui me colle la chatte que je suis un musicien de jazz sur un stage devant elle, puis là, je tombe intradiégétique. Oui, il y a un comédien. Je suis tout le temps shifté un peu parce que je suis pas dans ce mode-là. Je suis pas préparé à ça. Même si je fais des grands réchauffements avant, c'est juste pour être prêt à jouer du drum et puis de la guitare n'importe quand. Là. Mais c'est ça, j'aime ça comme jouer autour de tout ça. Là. Comme hier aussi, il y a eu un truc vraiment cool. Là. Mais yep, quand... faut en revenir d'hier. Là. Ben, je suis pas capable de me rappeler plus loin qu'hier. Hier, il y avait une belle scène de sexe. Ouais. Entre Anne-Marie Binette et Joël Paré-Beaulieu. Ah, je pensais que c'était celle où Joël faisait une pipe à Dieu. La pipe à Dieu. Ah oui! Ah, c'était drôle, ça. Ok, non, mais continue. Or, donc, puis j'en discutais avec elle, puis j'étais là, est-ce que t'es d'accord avec le choix que j'ai pris? Puis des fois, ils s'en rendent même pas compte. Ben non! Ben non, parce que je suis, comme tu dis, je suis à un autre niveau. On t'écoute pas de la même façon. Vous non plus. Ben non. Puis c'est bien comme ça, parce qu'on fait chacun notre travail, puis on est occupé. Puis vous livrez du super beau contenu, super diégétique, puis moi, je m'occupe de l'extra-diégétique, puis. Il y avait cette scène-là qui était d'une grande sensualité, d'une grande romance aussi. Mmh. Puis j'étais là, ah, non seulement ça risque d'être cliché s'ils jouent leur sensualité, tu sais, puis jamais que je ferais de la guite wah-wah sur un truc un peu porn, là. Tu sais, j'évite tous les clichés, toujours, parce que je trouve ça ringard, là, ça m'intéresse même pas, anyway. Sauf dans un bar, des fois, hein, si c'est vraiment la circonstance, puis que c'était à la fin du show. Ouais. Tu sais, dans le sens où là, je lisais leurs trucs, puis j'étais là, ouais, mais attends, eux autres, avant d'être comme dans leur... Puis c'était la première fois qu'ils baisaient ensemble dans l'histoire. J'étais là, avant tout ça, c'était des amis, tu sais. Je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai joué, mais je suis parti sur une espèce d'affaire de qui faisait comme du bien. Où ce qu'on était comme... Saying that I love you. Non, excuse-moi. C'était pas ça. À chaque fois que je joue quelque chose, tu trouves des tunes. Je te jure. Bon, à tous les soundchecks, non-stop. Toutes tes affaires me font penser. Mais... C'est parce que là, je suis pas inspiré. Là, on est pas. Non, mais c'est le. Mais c'était quelque chose qui était rassurant, comme leur. J'ai joué leur amitié au lieu de jouer leur sensualité, tu sais. Ben, je trouvais ça plus riche de voir comme, OK, ils sont partis d'être des amis. Puis là, c'est en train de chavirer vers des amants, tu sais. Puis d'avoir... De sentir d'où ça venait, puis d'où est-ce que ça en allait. Je trouvais ça plus riche, tu sais. Et tout ça, en une fraction de seconde. Oui, vraiment. Ouais. Paf, j'ai fait comme... Ah non, je vais aller plutôt là. Fait que donc, à chaque fois que il y a... Vous voudriez pas être dans ma tête pendant un show d'impro, là. Je suis tout le temps assis On échangera une fois, Dominique, tu verras. Ah, ça va être terrible dans la tienne aussi, tu sais. Mais dans la mienne, vous seriez toutes mélangées parce que C'est comme les queues sont pas à la même place. Ouais. C'est comme si t'étais dans un festival de extérieur, mettons, puis que t'es à mi-chemin entre deux stages, puis que t'entends deux musiques en même temps. Là. C'est de même dans ma tête tout le long, tu sais. Surtout pendant qu'il n'y a pas de musique, tu sais. Ouais. Parce que sinon, je plonge, puis là, je suis dedans. Fait qu'à chaque personnage qui sont sur scène, j'ai tout le temps quelque chose de prêt qui pourrait embarquer sur appuyer ça ou créer sa rupture. Je pense que je le vis un peu à Dontaire, ça. En tant que Dontaire? Ouais. Exact. Oui, c'est quand ça. Quand je pense à l'autre pendant qu'il y en a un qui joue. Exact. Ouais. Fait que j'ai tout le temps, sur une main presque, une affaire, puis sur l'autre main, de quoi de près, je suis sur le bout de, mon kick, parce que je suis assis sur mon kick. Là, tu mimes une main clavier, une main git, puis un harmonica péteux. Ouais. Puis j'ai mon kick sur le bord de mon pied, tu sais. Puis mes patentes électro, que ça peut s'en aller vraiment dans des directions très opposées, pour qu'à tout instant, je puisse ne surtout pas rater mon cue-in. Donc, dans le fond, il te manque des bras. Oui, des bras. C'est pour ça que j'ai développé tout mon système avec beaucoup de choses aux pieds. Ce qui fait que je peux partir de quoi avec mes pieds aussi, tu sais. Parce qu'il n'y a rien de pire que « Ah non, c'était là que j'aurais dû rentrer puis j'ai pas eu le temps de trouver mon son, tu sais. » Quitte à ce que je rentre mon cue in, mais que je transforme le son vers quelque chose qui a bien plus de sens après, mais pour pas avoir manqué mon cue in, parce que ça va être l'indicateur pour les comédiens de « Hey, moi, je pense que ça devrait plutôt s'en aller là-dedans. » Ou je sais pas, t'as un personnage qui est très fâché puis un autre qui est très triste. Ça va être un peu moi qui décide si la haine de l'un l'emporte sur l'empathie de l'autre ou quelque chose comme ça. Puis les comédiens vont souvent même pas s'en rendre compte que c'était à cause de moi que c'était allé dans cette direction-là, alors que... T'es comme mesmer, hein? Ouais! Tu fais de l'hypnose musicale, Frédéric! Yeah! C'est un peu ça, vraiment. Puis je le sens, des fois, là, je vois des comédiens qui tombent comme un peu en transe parce que moi, je m'impose de toujours être dans cet état de transe-là parce que c'est de la musique, là. Caroline, c'est précieux en tabarouette pour moi. Ouais. Je voudrais jamais blasphémer ça, tu sais. Ouais, nous autres aussi, mais... Ouais, c'est ça. Fait que j'essaie tout le temps de faire quelque chose qui est assez magique pour les plonger dans un état de « Oh my God, OK, on s'en va ailleurs. » Puis là, souvent, le débit des mots ralentit un peu pour laisser de la place un petit peu plus à la musique. Puis là, on se met à builder ça. Puis après ça, on jazz ensemble, tu sais. Mais au moins, ils savent que tout le temps que je suis là, j'aime bien tout le temps ton image du parachute. Oui, je compare Dominique à sauter en parachute avec un gars qui vole. C'est beau, hein? C'est beau. Tu devrais donner des ateliers, là. Ouais, je sais, mais je vais pas me faire piquer tous mes jobs après. Mais non, après ça... Je fais des blagues, mais oui, c'est sûr, parce que c'est hyper synthétisé dans ma tête, la façon de le faire. Les timbres aussi, trouver des instruments dont l'attaque n'est pas sibilante. Bon, ben, écrivez-nous! Écrivez-nous, puis je charge pas cher de l'heure. Non, il charge cher. Il charge vraiment cher. Puis... Mais sinon, dans les désirs, parce que je reviens à ta question de si on avait budget illimité! C'est pas si on avait, on a mécène! Ah donc... oui, on le salue au passage, merci d'avoir produit cette actuelle capsule qui nous coûte un bras, n'est-ce pas Rachel? Oui, merci José Lito. Ben, je souhaiterais me faire opérer pour que je puisse chanter plusieurs notes en même temps. Mais je suis capable de faire ça. Mais si je pouvais chanter, ça siffler. Je sais, mais si je pouvais chanter plusieurs notes en même temps. C'est ça. Anyway, j'extrapole, là, mais tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça avoir. Un trip qui m'a fait halluciner, c'est quand on a fait Mass. Ouais. Où ce que là, j'ai senti le overproduced, yeah. Ouais. J'avais ma chorale, puis je leur faisais louper des affaires, des thèmes. Puis là, après ça, je changeais les accords autour. Juste pour... Mass, c'est un spectacle qu'on fait comme à 20-30 personnes où à chaque scène, t'as du monde qui sont dans ta zone que tu diriges. Voilà, que je leur fais taper dans les mains, mais surtout chanter quelque chose. Puis l'évocation de ce que ça donnait, c'est sûr que j'ai vraiment pogné mon 2 minutes là, à Bordeaux en septembre passé. C'est comme ta machine à louper, mais organique. Organique, fait que là, puis là, je leur faisais juste des signes des yeux des fois. Parce que quand j'ai les mains prises, puis les pieds pris, qu'est-ce qui me resterait, ce serait de faire des signes avec ma langue. Quelque chose comme ça. Mais tout le monde fait comme, il m'a fait des avances tout le long. Voilà. Ouais, il y avait quand même des jolies Canadiennes à Bordeaux. Bon! Puis, fait que... Puis, ben c'est ça, tu sais, je leur faisais des signes avec juste les yeux de, ouais. Ah oui, oui, oui, on s'en va pas. Oh, oh non, non, non, on descend, on descend. Ouais. Ah oui, on monte. Puis, ça, il y avait les choses que j'étais pas capable de faire avec mes pieds puis mes mains d'une façon très organique, justement, puis qui marchait. Fait que, tu sais, avoir une chorale sur scène ainsi que un grand ensemble de taiko drums puis des timpani. Tu sais, les immenses drums japonais puis les timbales de, ah ouais? D'orchestre. OK. Qui font des sons très graves, tu sais. C'est dans avoir ça, okay, en background puis que je leur fasse signe. Puis que... Anyway. Mais je sais pas. Je vous dirais que je... On pourrait leur essayer aussi avec... Je cherche comment... qu'est-ce qui me ferait plus tripper, puis je suis déjà vraiment heureux, je dois t'avouer. Ouais. Le petit kit que j'ai développé dans la dernière année, là, où ce que je peux jouer tout en même temps un peu, puis louper des affaires, puis contrôler les loops avec mes pieds, puis après ça, jouer par-dessus, rajouter de quoi, breaker, coter, remixer, puis tout ça, ça... C'est magique. Ça m'amuse énormément. Ça marche très bien. Je vois pas la fin de ça, parce que, justement, il y a comme pas de limite, parce que après ça, juste si je suis là, puis que je joue une note... puis que ça vous inspire, puis qu'on part, puis que je fais juste bouger le volume de cette note-là, puis qu'on est rendu déjà ailleurs. Moi, ça me va, tu sais. On finit là-dessus. Merci de venir. Je l'aime encore. C'est beau. Là, je te dis merci de venir. Plaisir, Frédéric. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.